Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence. Bonjour Lucille. Je suis certaine que tu as déjà été amenée à te poser des questions sur la répartition des responsabilités et des obligations entre le locataire et le propriétaire dans le cadre d'un contrat de bail. C'est vrai que la répartition des obligations entre locataire et propriétaire n'est pas toujours très claire. Pourtant, c'est un point fondamental du droit immobilier. Exactement. D'abord, un rappel essentiel, un propriétaire ne peut pas refuser de louer un logement pour des motifs discriminatoires. Le droit au logement est un droit fondamental. Refuser un candidat pour des raisons ethniques, par exemple, est une infraction pénale passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La loi de référence en la matière, c'est celle du 6 juillet 1989. Elle encadre les locations à usage d'habitation, mais aussi celles à usage mixte, donc c'est-à-dire habitation et activité professionnelle. Le contrat de location, ou bail, doit obligatoirement être rédigé par écrit. Il existe un modèle type, disponible en ligne, mais attention, mieux vaut s'assurer de la fiabilité de la source, surtout si vous le rédigez vous-même. Au moment d'emménager, un état des lieux doit être établi. C'est une étape clé qui doit être faite de manière contradictoire et amiable, c'est-à-dire avec les deux parties présentes. En cas d'impossibilité, il est toujours possible de mandater un tiers ou de faire appel à un huissier de justice, notamment en cas de litige. En résumé, connaître ses droits, c'est aussi savoir éviter les conflits et dans un bail, tout commence par un contrat clair et respectueux de la loi. Et comment on fait quand on n'a pas d'état des lieux ? Eh bien, la loi est très claire sur ce point. À défaut d'état des lieux, il est présumé que le locataire, qu'on appelle juridiquement le preneur, a reçu le logement en bon état. Il devra donc le restituer dans le même état à la fin du bail. Donc on est d'accord, il s'agit d'une présomption. Exactement. On part du principe que tout était en bon état, sauf si le locataire peut prouver le contraire, notamment par des photos, des échanges de mails ou des témoignages par exemple. Mais attention, cette règle connaît une exception importante, c'est que si le bailleur ou le locataire a volontairement empêché l'établissement de l'état des lieux, par un refus ou une absence injustifiée ou de la mauvaise foi, alors la présomption ne s'applique pas à la personne qui est de mauvaise foi. En d'autres termes, on ne peut pas tirer profit d'un acte qu'on a soi-même empêché. D'accord, donc on applique la présomption de bon état du bien pour le locataire ou le bailleur de bonne foi uniquement. Exactement. Maintenant, on va observer un peu les droits et obligations de chacun. Quand le bailleur remet les clés, il doit fournir un logement en bon état d'usage et de réparation. Et Quand le bailleur remet les clés, il doit fournir un logement en bon état d'usage et de réparation. Et les équipements doivent être en bon état de fonctionnement. En cas de travaux pendant la location, le bailleur doit permettre une jouissance paisible du logement et tout changement doit être mentionné dans le contrat. Le bailleur doit aussi entretenir le bien pour qu'il soit toujours adapté à l'usage pour lequel il a été loué. Il ne peut pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, sauf si ces travaux transforment le logement. Du côté du locataire, ses obligations sont assez claires. Il doit payer le loyer et les charges et utiliser le logement conformément à sa destination. Le Code civil, à l'article 1754, précise qu'il doit aussi se charger des petites réparations et de l'entretien courant. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, changer une ampoule, entretenir les sols, repeindre un mur abîmé, colmater un joint, faire le ménage, etc. Bref, tout ce qui relève de l'usage normal du bien. Le locataire doit aussi permettre l'accès aux espaces communs ou privatifs pour réaliser des travaux d'entretien. Et bien sûr, il faut éviter de transformer le bien sans l'accord du bailleur. Et est-ce que le locataire peut céder ou sous-louer son logement ? En principe, non. Sauf s'il obtient un accord express et écrit du propriétaire. Par exemple, un locataire peut proposer un remplaçant en cas de départ anticipé, ce qui peut éviter un long préavis. En revanche, en cas de sous-location, le loyer demandé au sous-locataire ne peut jamais dépasser celui du bail initial. Merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir et à la semaine prochaine. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.